les mains froides. A l'inverse de mon cœur, il pleut des feuilles, c'est l'automne. Les sentiments se mélangent dans la tête, tout s'en mêle, il faut écrire un texte. Le ciel est orageux, MC audacieux, la lune t'appelle. Je te sors des bonnes rimes quand les MC tapinent, t'as reçu ta paye. Mon pote, j'ai pas du blé, j'ai plus de clope, s'te plaît. L'atmosphère est sombre, les nuits sont longues, j'aspire à rien, ma plume, même pas les pifons. 71. Apprends à lire entre les lignes, sache que ni les tendances ni les modes doivent être une ligne de conduite. Sache que rien n'est facile, j'ai pas de leçons à donner, mais ce que je peux dire du peu que j'ai appris, c'est que rien n'est acquis. Définitivement, un rien peut trotte mal comme une mauvaise descente. Vegas, je représente mon blaze, j'ai que ça. Je demande à mes potes de pas me laisser croupir, de m'enfermer sur moi-même. Je me fais même plus à manger, attends, je respire. Ah, on a grandi, ça me fait bizarre, les mains froides comme le blizzard. Le temps passe, je suis perspicace. C'est juste que je sais pas quoi faire, j'aime pas vraiment ce que je dis. Aimé, je suis jeune et blasé, comme si on m'avait blessé. On m'a rien fait, on a pas se plaindre. Nous à l'échelle internationale, nos problèmes sont moindres. Une étoile nous a bénis, nous a donné du savoir, faut s'en servir. Le micro est une arme, je veux rappeler l'espoir. On n'est plus sur le bateau de notre vie, mais sur l'épave. Et pour la reconstruire, au lieu de ça, je mate une jeunesse qui se déprave. Les notes tournent en boucle, on largue toutes nos illusions en route. On donne de l'importance qu'à l'éphémère, on a modifié la définition du mot aimé dans le dictionnaire. Les Illuminati, c'est qu'une hypothèse, mais ce qui est sûr, c'est qu'on court à notre perte et faut changer. C'est pas les pipos qui nous représentent. Pour un autre monde, une starlette nous servira d'exemple. J'ai pas d'idole parce que je m'en branle, parce que les valeurs sont dead, parce qu'on donne plus d'amour au lové qu'à nos frères, parce que l'argent est la pire des drogues, c'est le pire des poisons. Attention au siphon, le bas nous attire. Le diable est dans les bulles de ta canette de Carlsberg. Dorénavant, c'est la télé qui duque les petits, c'est la drogue qui duque les grands. C'est ma galère que je traîne sur un banc, je ressemble à mes titres. Mon pote, crois pas que je m'y donne, j'ai rien d'extraordinaire, mais tu vois, j'ai rien à cacher. MC qui vaut rien, j'ai pas de cacher. Mon disque, écoute-le, j'ai mis du cœur, du temps, ça vaut la peine. Je suis franc, y'a toute ma putain de vie dans mes choix. On a toujours été fait seul, à rien de calculer, rien d'artificiel. À l'instinct, comme d'habitude, j'ai jamais voulu décevoir personne. Appelle-moi MC quelconque, sauf que j'ai quelques bonnes rimes cachées quelque part dans mon crâne, les mets sur papier. Pour les miens, tant mieux si tu te reconnais, tout m'inspire, la vie speed. J'ai quelques regrets dans ma tête et j'en place une ascribe. J'ai quelques regrets dans ma tête et j'en place une ascribe. Vegas, mon pote, reflet d'une époque. Vegas, reflet d'une époque, reflet d'une amertume, reflet de ma gamberge. Mes joies, mes pleurs, mes peines, tout est dedans. Les mains froides, à l'inverse de mon cœur, il pleut des feuilles, c'est l'automne.